Stop the music! Faut faire le plein de bonne humeur, mais ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, la trappe. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bienvenue, on est en direct avec vous ce mercredi, 20h pile, tout rond. Qu'est-ce que ça fait plaisir de démarrer cette émission. Et ça va, tout le monde s'installe, mais enfin, mais les gars, vous savez que c'est 20h, non? C'est vrai, non? Mais non, mais je pensais que mon casque était branché, pas du tout. Alors je te regarde en mode, il n'y a plus rien, en fait, c'est juste mon casque qui n'est pas branché. Donc je le branche hyper vite, mais je l'avais réglé à fond. Et donc ça m'a explosé dans les oreilles, donc bonjour. Écoute, on prend nos aises, on est bien avec cette émission, voilà. Alors bon, qu'est-ce que tu veux? Toujours accuser les autres avant de vérifier son propre terrain, hein? Pourquoi c'est ta faute, tu n'entends rien. Qui a débranché mon casque? Ah. On a enregistré d'autres trucs dans ce studio aujourd'hui. Ouais. Des surprises pour la semaine prochaine. Ah. Ah oui, là c'est les 3 dernières émissions de la saison. Oh. Et après, rideau, dernier. Ah bah si, chômage pour vous deux déjà. Et après. Comment il nous dit ça comme ça? Ça va, faites pas genre, vous étiez pas au courant. Ouais, hein. C'est vrai. Bon allez, non on rigole hein, il y a des gens premier degré qui vont dire oh, il annonce en direct, qui sont virés? Ils sont licenciés, ça y est. Enfin. Pas du tout. Non c'est juste qu'on sait pas ce qu'on fait la saison prochaine. Bon, on verra, hein. On aura encore l'été pour réfléchir. Bah oui. Un peu bronzé, et prendre des cours de radio. Et d'orthophonie. Oui, on ne vise personne. Mais enfin, voilà. Ça va oui. Je te visais pas, je m'auto-visais, t'inquiète. Oh ça c'est bien, ça va, je regarde humilité. Voilà. Alors que moi, c'est humidité. Il fait 30 degrés dans ce studio. Je peux vous dire que là, la soirée s'annonce bien. J'espère que tout va bien de votre côté. On va vous changer les idées, hein. Qu'importe ce qui s'est passé dans votre semaine et... Ah. J'ai oublié de vous dire que c'est la journée internationale du procès équitable aujourd'hui. Ah d'accord. Bon, donc laissez-moi mener cette audience pour que chacun des faits que vous avez commis et qui vous sont reprochés dans l'équipe soit traité. Bienvenue dans le tribunal de la trappe. Madame Maëva. Oui. Vous êtes inculpé dans une affaire de violence verbale, rébellion et outrage à agent. De plus, vous avez tendance à fumer dans ce tribunal. Jamais. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Tout va bien? Ça va? Ça va. Je m'en doutais un peu, les violences verbales, mais... Bah oui, mais ça... Ah bah évidemment. Monsieur Kix. Oui. Vous êtes accusé d'avoir détruit un écran tactile avec vos doigts pleins de sueur et de beurre. Oui, enfin... De plus, votre orthophoniste se rebelle car après 100 séances sans succès, vous n'avez toujours pas réglé ses honoraires. Il réclame son argent, le monsieur. Oui, bah c'est compliqué pour l'instant, hein, tu le sais. Hein. Bonsoir, Kix. Bonsoir. Bon, j'espère que vous vous tiendrez à carreau, hein, parce qu'attention. Hein. Attention. Oui, les amendes vont tomber. Déjà que vous gagnez pas grand-chose, alors croyez-moi, vous allez douiller. Hein. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Dans un instant, on va revenir sur cette grosse affaire, hein, Ragnar le fou. Autant j'en ai rien à foutre du gars, autant il y a des choses à dire sur ce qui a été fait autour de cette affaire dans les médias. On a fait un petit zapping et on va tout vous résumer. Urban music non-stop, c'est bien. Hip-hop and R&B. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça va, tout va bien, tout le monde est heureux. Très chaud, oui. Comme d'habitude, mais ça devient une habitude, donc on va pas. Oui, mais tout arrête le temps. D'embêter les auditeurs avec ça. Il fait très chaud, mais il fait très chaud. On dit ça depuis 4 semaines. Sauf que c'est de pire en pire. Ouais, là, on a 31 degrés dans le studio. Oh. J'ai pris mon petit thermomètre avec. En plus, avec le plein soleil qu'on a là. Oh. On a calfeutré la fenêtre, hein, c'est fini. On a plus de fenêtre. Là, vraiment, on a fait une grotte. C'est ça. La trappe porte bien son nom, vous voyez. On n'a même pas essayé de trouver les moyens pour faire un truc de propre. On a vraiment mis tout ce qu'on pouvait trouver pour caler à la fenêtre, en fait. Vraiment, tiens, j'ai encore un carton passer. Qui traîne. Viens. Mais moi, j'aime bien l'ambiance. Ça fait. Vous souvenez quand on était petits, quand on faisait des cabanes avec tous les coussins et les plaies qu'on trouvait dans la maison? Eh ben, on a fait pareil dans le studio et c'est mignon. Ça va encore nous donner de la crédibilité dans les médias, ça. Ah ben. Allez, parfait. Bon, ce dimanche, c'était la fête des pères. Oui. Ah oui. Alors, bon, il y a un gars, un papa, qui s'est annoncé comme mort, c'est le TikToker liégeois Ragnar le fou. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, il est apparu à ses propres funérailles à bord d'un hélicoptère. Alors jusqu'ici vraiment rien d'intéressant. Petit buzz sur TikTok, tout le monde se filme pour donner son avis sur l'affaire. Franchement, il y a plus de limites. Je suis profondément choquée. vraiment, je crois que je t'aurais vomi dessus. Oui, quand on est choqué, on vomit sur les gens. C'est principe que j'avais oublié en physique. Alors, sauf que ça a fait la une de tous les médias au final en Belgique. Alors, zapping. Là, c'est une matinale à débat avec une auditrice. Alors, quel est votre avis sur la question ? Est-ce que Ragnar a bien fait de faire semblant d'être mort, réapparaître en hélicoptère à ses funérailles ? Alors, j'essaierai de comprendre le pourquoi qu'il a fait ça, déjà. Le pourquoi qu'il a fait ça, ok. Vous en pensez quoi, alors ? On est puni par la loi pour moins que ça. Et une personne qui fait genre qui est décédée ne serait même pas punie par la loi. Moi, je trouve ça honteux. Oui, quand même. Vous lui en voulez ? Oui. Ah oui, oui. Vous qui le suiviez avant, vous allez encore le suivre ? Non, je ne le suivais pas, justement, et je ne le suivais pas. Donc elle ne le suivait pas, mais... elle n'a pas forcément d'avis, mais elle lui en veut. Mais enfin... je lui en veux. Bon, je suis d'accord avec elle dans un sens, ça se fait pas, mais bon, à un moment donné... Notre avis sur ce bad buzz à la con, parce que le mec... Ah oui, c'était ridicule, c'était inutile. Hein bon, un avis d'un chroniqueur peut-être, qui était en plateau peut-être. Ça coûte de l'argent, ça pollue, ça fait du bruit. C'est ça qui nous choque dans l'histoire, c'est la pollution de l'hélico. Ah oui, l'hélico, ça choque, évidemment. En plus, on va sortir la carte de l'écologie. Là, on sent qu'on a essoré toutes les possibilités pour débattre autour de cette affaire. Moi, je m'en fiche. Très honnêtement, je ne suis pas ce monsieur, je ne suis pas sur TikTok. Alors à quoi ça sert de venir pour débattre de ça ? Bon, je pense qu'on va laisser la parole à ce dernier gars là qui était venu à la télé pour en parler hein, de l'histoire. Voilà, c'est pour dire rien du tout. Merci. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, Libianca maintenant et juste après, Maëva, faut qu'on parle. Ah bon ? Ah, tu vas voir, on va pas te lâcher. C'est passé un truc. Oh là là, accrochez-vous. DJ Vemi. Elle était pas un peu wallonne, peut-être, Libianca. J'ai l'impression qu'elle dit non, d'y joue à un moment. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, je suis d'accord, ça. La trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non ! D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Maëva ? Rien. Mais tu me fais des grands signes comme mais ça. Mais non. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Mais rien. Communique. Mais non, je non. Maëva, je sais quand même ce qu'elle voulait dire. Non, attends. D'abord, on va parler d'un autre truc. Okay. Quoi ? Elle a fait une story magnifique. Oui. De nous, en studio. On a fait une petite photo de groupe, voilà. On l'a postée sur ton Instagram. Oui. Et elle recherche un... Comment t'as appelé ça ? Un GIF. Et nous, on s'est dit, un GIF. C'est pas GI Joe de base ? Un Jean-François, un Jason. Putain, mais qu'est-ce que c'est, un GIF ? GIF. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut quoi ? Et vraiment, comme deux idiots, comme deux ignares, Kix et moi, on cherche. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle parlait d'un GIF, un GIF Insta. Un GIF, mais c'est moche, un GIF. C'est un GIF. Yeah. Mais ça. GIF. Mais c'est le vrai nom, c'est comme ça que ça s'écrit. GIF, c'est pas un mot. Mais non, c'est une abréviation, donc tu dis lettre par lettre, et vu que les lettres c'est des mots en anglais, tu les dis à l'anglaise, donc un GIF. Ok, eh ben fin du mois tu recevras ton CDI. Ou alors. Mais non, parce que ça veut dire. C'est en français, l'acronyme. Mais j'ai compris. J'ai compris. Bon, mais personne ne dit ça. Ça l'a pas trop tôt. S'il y a des auditeurs qui disent GIF. GIF. GIF, au lieu de dire un GIF, un GIF, bah dites-moi. Moi j'ai toujours dit GIF. Oh. GIF, bah oui, GIF. Et après, des gens m'ont fait la remarque et m'ont reproché, ils m'ont dit « Ah non, ça se dit GIF ». Ouais, GIF. Alors, bon, bah, on va dire GIF. Et puis au final, je dis comme tout le monde le voulait. Et, bon, là, on arrive avec GIF. Ouais, une nouvelle façon de le dire. Encore. Enfin. Mais toi, enfin, ça se dira FIG. Alors, C'est comme, il y a un artiste, il y a en ce moment une manie que les gens ont, c'est de mettre des G dans tous les noms. J'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, j'aime beaucoup écouter Angel ». Angel. Mais là, pour le moment, Hamza aussi. Hamza. Mais enfin, Damso. On est en train de dire des Z et des B et des machins. C'est comme disons des Jadoul. Jadoul. Ça fait plus vacancier. Genre, tu penses être dans un autre pays, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. On va faire des vacances ailleurs. Bougie pas la langue française. Mais quoi. Moi, j'ai un pote, il est entre deux. Il s'appelle Jonathan. Alors, pour moi, c'est soit Jonathan. Soit Jonathan. Mais si tu dis Jonathan, il t'engueule, c'est Jonathan. Bah oui. Faut comment ? Mais non, il n'y a pas de Tan. Mais non, c'est pas Joe. Ouais, surnomme le Joe, tiens, vas-y. Il va pas aimer. Ah merde. Bon, s'il est aigri aussi, ton pote, qu'est-ce qu'on y peut ? Dans quelques minutes, on va avoir Claude qui sera de retour. C'est l'ami de l'émission qui va tenter à nouveau de rechercher un job. Eh oui. Il faut qu'il se réinsère dans le monde actif de la société pour pouvoir gagner un peu son argent durant les 2 mois de vacances. Et on aura la mise à jour de Maëva qui nous parlera de... De body shaming, de body positive, de... Oh là là, ça sent le yoga, ça sent la musique de détente. Absolument pas. Le body shaming. Ça sent un claquage avant la fin de l'émission. Ou alors les stories, tu sais, d'influenceuses dropshipping. Coucou les loulous, aujourd'hui, body shaming. Ça n'a rien à voir ? Non, pas du tout. Ok. Bon bah, tu nous apprendras encore quelque chose, ça se passe juste après la page de pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. La perte d'un proche est toujours un moment pénible où l'on est confronté à de nombreux problèmes. Vous n'avez pas de compost chez vous ? Le choix d'une société de pompes funèbres doit être judicieux afin de vous accompagner rapidement et dignement dans la prise en charge du décès de toutes les formalités administratives. Les pompes funèbres Hendrick, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mettent leur professionnalisme au service des familles endeuillées pour leur fournir leur compost collectif. Organisation complète de funérailles, funérarium avec parking aisé, incinération, inhumation, exhumation, la permaculture, le compostage, la production de graines, la conservation des légumes anciens d'au moins 60 ans. Tant de découvertes à réaliser au fil des saisons. Le funérarium devient aussi un lieu de rencontre entre voisins, entre citoyens. De par sa fonction, il amène des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées à faire connaissance et à maintenir le lien entre tous. Funérailles Hendrick, le compost produit sera redistribué aux participants qui en font la demande. Pour les joindre, un seul numéro d'appel, 069 77 23 24 19 80. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous le savez, c'est notre grande saga avant l'été, la quête de Claude. Il cherche un job, c'est un ami de l'émission, il a besoin d'argent et on essaie de trouver un métier qui lui conviendra. Il est en direct par liaison avec nous, il a son micro, son casque et vous nous entendez Claude ? Qu'est-ce que vous allez essayer pour nous cette semaine ? Vous êtes détendu là madame ? Oui, je remets de l'huile. Voilà, ça fait du bien. Claude, vous pouvez arrêter cette ambiguïté, ça nous met tous mal à l'aise. Je présente ma sœur dans un spa Jadoul. Ah, et ça vous parle comme job, ça ? Je vous imaginais pas là-dedans, moi. Bah, disons que je voulais être avec les toutous en SPA, hein, mais voilà, tout s'est mélangé au forêt, mais ils se sont trompés, impossible de faire machine arrière. Me voilà engagé ici à Villa Pompéi. Et vous avez la main ? Ah, j'ai tout son corps. Je parlais pas de la cliente, Claude. Bon, disons que je suis mal à l'aise, hein. Disons que les nanas ça va, mais je vois passer des vieux avec la salade qui déborde du string, c'est pas ma tasse de thé, ça, hein. Et ça fait partie du job, ça, Claude. Oui, je sais, hein. Ah, oh, merde. J'ai oublié qu'ils sont censés se détendre ici. J'ai fini avec madame, je passe à son mari. Allez, courage, ne regardez pas son corps, concentrez-vous sur vos propres mains, Claude. Oui, les mains, voilà, les mains. Faut abaisser la serviette, hein, monsieur, sinon quand je mettrai de l'huile, vous en aurez dessus. Et je vois. Bon. Oui. Et aussi au-dessus de... Oui, vers le haut de vos fesses, là, oui. Allez, tenez bon, Claude. Comme ça, c'est bien, oui. C'est bien, la serviette, je vais la coincer dans la ficelle. Attention, l'huile, ça... Oh, ça me dégoûte. Attention, l'huile, ça arrive, ça va être chaud. Ouais, je suis désolé, je vous ai dégueulé dans le dos. C'était pas prévu, ça. Je vais racler tout ça. Gardez votre tête dans le trou de la table et je passe un bac. Comme ça, si ça vous a ému... Aussi, voilà. Ah, oh, Claude, là, il n'y a rien qui va. Ce client a eu le service le plus médiocre au monde. Oui, enfin, ça ne cause pas assez ici. C'est pas convivial comme endroit. Heureusement que j'ai mis quelques bières à température dans la piscine et des saucissons, ce qu'ils appellent le sauna. Bon, on n'a plus le temps. On va acter que ce n'est pas fait pour vous, des massages dans un spa. Oui, on s'emmerde ici avec ces vieux. On en reste là, Claude ? Des bisous, hein. Moi, je nettoie ici. Je filerai un autre job pour vous d'ici une petite heure. Jadoul, dès 20h, sur KIF. J'ai dû disparaître. MC Solar. Pardon. Bouge de là. Oui. Bouge de là. Oui, je pensais qu'il y avait une petite outro et en fait non, je lui ai parlé dessus. Désolé MC. On aura son nouveau titre dans quelques instants. Pour ça, il faudra patienter parce qu'on a d'autres choses sur le feu là. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Sont dans la trappe. Maëvante. My Fat. T'es sérieux? Ah, c'est ton petit nom en wallon, oui, non? Bah oui, oui, bon. Oui. semaine prochaine, on aura. Oui, ça vous avance rien, ce que je vous le dise maintenant, mais semaine prochaine, on aura une séquence en wallon. Ah! Ça va être beau, ça. Ouais, c'est costaud. En attendant, il y aura un peu de wallon aussi d'ici la fin de l'émission, car nous allons nous replonger dans des archives. Ah. Vous allez voir, il faut s'accrocher, mais heureusement, on a notre traductrice qui est là, Maëva, qui est multifacette. Et là, elle va nous faire en plus la mise à jour. Nous parlons maintenant de... De body shaming et de body positive. Ok, c'est très bien, je vais vous aider. J'ai rien pigé. De body quoi? De body shaming et de body positive. C'est... Non, pas du tout, je t'explique. Body shaming. Non. Coucou les filles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à faire du body shaming. Shaming. Ah, shaming. Ok. Comme honte. C'est ça. Ah, j'avais entendu shining, tel un soleil. Non, pas du tout. Ah, moi j'étais parti sur une autre impro alors. Hein. Parce que ça y est, le beau temps est de retour et c'est génial, on passe les journées dehors, on bronze, on sort, on va à la piscine. Mais pour beaucoup de personnes, filles comme garçons, cette période, c'est signe d'angoisse parce qu'on monte son corps un peu plus avec les petits t-shirts, les jupes, les shorts et les maillots. Et faut se le dire, les réseaux sociaux, ça aide absolument pas et l'incitation au summer body, qui est omniprésente en ce moment, peut aller jusqu'à déclencher des troubles alimentaires chez les plus jeunes et les plus influençables. C'est logique, quand on manque de confiance en soi, on se trouve trop de rondeur ou pas assez, on commence à regarder à tout ce qu'on mange jusqu'à ce que ça tourne à l'obsession, on veut commencer des régimes miracles qui vont nous faire reprendre le double juste après, c'est pas bon pour la santé, et on développe un mauvais rapport à son corps et à l'alimentation. Donc on peut donc vite basculer vers des troubles alimentaires, comme enfin des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. D'après une étude française, 16-17% de la population européenne souffre de TCA. Et ça peut vraiment amener à des cas extrêmes, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Ils peuvent amener à des dépressions, détériorer la santé, etc. Attends, 17% de la population européenne est touchée par les TCA. En même temps, ça ne peut qu'augmenter, je suis désolé. Jusqu'ici dans l'émission, bon, je vous ai fait l'aveu, hein, je vous ai dit, j'ai pas TikTok. Ah bravo. J'ai installé l'application 2 heures. Mais je vous l'ai pas dit, hein, j'ai fait ça il y a 6 mois. J'ai installé l'application 2 heures, j'ai scrollé, et avec des gamins de 16 ans gueulés comme ça, moi, que ses bras c'était ma cuisse. Petit biscuit, si tu nous écoutes. Voilà, petit biscuit, hein, on a vu avec Kix ce matin, on était en train de bosser sur l'émission ce matin, on voit passer une photo de petit biscuit, c'est plus petit biscuit, là c'est gros figolu, hein, c'est... Il est costaud, hein, petit biscuit. C'est le bonhomme du haut tacos. Ah, mais je sais pas ce qu'il prend, hein, mais waouh, c'est impressionnant, un petit biscuit, bravo. Ça se trouve, maintenant, il fera des musiques plus du tout chill comme avant. Ce sera des musiques ultra vénères. Mais franchement, c'est fou. Mais avec TikTok, je le disais, j'ai installé cette application, il y avait des gamins gaulés, il y avait des meufs, des nanas qui, franchement, je me demandais comment le pantalon tenait sur elles. Ouais. Il y avait des... Mais franchement, comment ne pas créer des complexes dans la société avec des choses aussi clichés? Les gens sont des caricatures d'eux-mêmes avec en plus des filtres. Bah, surtout TikTok, c'est à la base un peu. Genre. Je viens d'avoir une mise à jour hier ou avant-hier. Je faisais un snap et là je vois une nouvelle fonctionnalité, peut-être qu'elle a depuis 10 ans mais que j'ai pas vu. C'était un petit balai comme ça qui nettoie ta peau. Oui. Et qui te fait une belle tête sans tes cernes, sans tes rides, sans tes machins, le glouglou qui pend dans le cou, tout rien. Hop là, propre. Et les gamines de 14 ans, quand elles vont vieillir, elles vont se dire « Ah, je n'y ressemble plus au filtre Instagram. » Là, c'est vrai. Mais enfin, enfin. Mais je vais vous faire un petit cours de vocabulaire. Du coup, je pensais que c'était pour les boomers, mais aussi pour vous deux. Et donc, on t'ennuie. Hein. Donc, le summer body, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, on l'appelle le bikini body, le beach body. C'est le terme qu'on utilise un peu avant l'été et pendant pour qualifier l'objectif d'avoir le corps esthétique, athlétique, parfait, dont on est fier et qu'on peut montrer à la plage et à la piscine. Il y a aussi le body shaming que tu ne connaissais pas. En fait, c'est donc comme tu disais, shame, c'est comme honte. Ça consiste à subir des remarques désobligeantes et des moqueries à propos de son corps ou de son apparence. Et bien évidemment, c'est fortement amplifié avec les réseaux sociaux, comme tu le disais. Et maintenant, je vais parler d'un terme beaucoup plus intéressant, c'est le body positive. C'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps. Parce que les rondeurs, c'est ok. Les vergetures, c'est ok. Les poils, c'est ok. Être maigre avec les os apparents, c'est ok. Faut savoir qu'un corps normal, c'est un corps avec plein de petits défauts. Et pas les images parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme tu disais, où c'est des filtres, ou dans les magazines où c'est tout le temps retouché. Et donc voilà, la normalité, en fait, c'est qu'il n'y a pas de normalité, tous les corps sont beaux. Et pour vous aider justement, comme tu disais, et les plus jeunes qui, comme tu le disais, en voyant tous ces trucs parfaits, se sentent hyper complexés, j'ai 3 comptes à suivre sur Instagram. Oh. De body positif pour voir que voilà, la réalité. Que du positif. Que du positif pour mettre son corps. Exactement. On commence avec Céleste Barber. Elle s'amuse en fait à parodier les photos des plus grandes stars sur Instagram. mais version L, avec la réalité, les moyens du bord. C'est beaucoup moins glamour, mais c'est beaucoup plus réaliste et ça fait un bien fou à regarder. Il y a aussi 12 février, c'est le compte de Julie Bourges qui a été victime d'un grave accident où elle a été brûlée à 40% oui, je la connais, de son oui. corps. Ouais. Et donc du coup, elle assume à fond ses cicatrices, elle les montre, elle assume tous ses défauts et ça fait un bien fou à regarder. Et ses légendes sont toujours super inspirantes, personnelles, enfin c'est génial. Et enfin, Danae Mercer, c'est un compte qui respire le body positive parce que c'est une sportive, donc elle a quand même un corps qu'on pourrait croire parfait. Elle met les photos où elle flex, comme tout le monde, genre elle est super belle. Et après, elle monte ses poils. Non, mais à côté, elle met la version où elle prend pas la bonne pose, où il n'y a pas la bonne lumière, où il n'y a pas le bon fond, où il n'y a pas les filtres. Et on voit qu'en fait, la réalité, même sur un corps d'une meuf super bonne... Et tout au... Bah, c'est... Tout le monde a des défauts, et donc voilà. Allez, soyez positifs, c'est bon. Ne parlons plus de tous ces défauts. On les a, et c'est ce qui nous définit. Exactement. Et c'est ce qui nous rend unique, et ça, c'est bien. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, parlons plus de tout ça, on s'assume. Non. Mais non, mais justement, c'est pas ce titre. Non, mais non, bah, pas du tout dans le truc. J'avais pas compris. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut. On va écouter Rema tout de suite et juste après, on se retrouve pour l'interview combinée. On prend une interview du média Combini et on essaye d'être plus drôle. T'es passé à ça d'un drame, toi. Bon, bah, t'es prête? Oui. Quelque chose à rajouter? Oui, ça va, on sait. Le principe est tout simple, on prend une interview du média... Combiné. Non, oui. Mais... Combiné, merde, mais... oui, excuse. Tiens, on prend une inter... Alors, on va la refaire, mais... Combiné. Comme on n'est pas en direct à 20h36, on peut couper. Voilà, on coupe. On prend une interview du média... Combiné. On fait des questions plus drôles, mais on garde les réponses originales. Ce qui nous donne l'interview... Combiné. Car le moins drôle d'entre nous se prendra un coup de... Combiné. Ouh, on y est arrivé. C'est pas facile en vrai. Hein, je... Oui, mais voilà. Voilà. On a déposé le nom combiné, alors qu'est-ce que tu veux? On va jouer cette semaine avec... Ok, il veut pas laisser le temps de parler, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comptes nous faire ça souvent? Donner un peu plus. D'accord, merci beaucoup. Il a l'air très très loin, il est perché. Hein. Oh. Oui, on dirait. Il s'appelle Mister V. Ouh, Mister V. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui a une épaule poilue. Quoi? Bah, ton épaule est poilue, vraiment? Oui. Ah bon? Mais c'est le seul caractéristique que j'ai sur lui. Je connais d'ailleurs que ça attends, sur lui. Attends, moi j'en ai plein. Il est hyper drôle. Je l'adore. Des poils sur l'épaule? Non, mais non, drôle. Ah, oui, ok. Oui, drôle, évidemment. Il est excellent. Il fait partie de la première génération d'humoristes français sur le web. Oh, alors vous avez intérêt à être drôle. Ah oui, ouais, c'est mal barré. Et attention, hein. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Ouais. Ouais. Vous avez intérêt à être drôle. Ok. Avant-dernière chance pour briller. C'est ça. Tu sens et ça se joue là. Là bon, coup de pression, ça vous fait pas de mal, ça défend. Où c'est que j'ai mis mes feuilles, moi? Attends, je suis dans l'arrière-boutique. Ouais, hein, vas-y, fais. Oh, il y a des ouais. frites. Prends-moi un coca sur ta route. Ah bah non, ça, tu penses bien qu'on a rien. On me l'a mis où? Ah, il est là. Voilà. Voici la première question. Je pense que oui. Voilà. Kix, je te laisse être drôle. Ok. Tu penses que si on met un bossu sur un dromadaire à une bosse, ça va faire un chameau? Je pense que oui. Ah, elle est énorme. Merci. Elle est énorme. Mais tu l'as préparé pendant combien de temps? Oh, au moins une semaine. Ouais, de toute façon, il me reste une semaine pour le préparer. Mais... Et franchement, bravo, c'est ta meilleure de la saison. Merci. Bravo. Maëva, la barre est très haute, hein, tu l'as compris. J'ai compris. Vas-y. Tu penses que c'est possible qu'on ait un jour un salaire dans la trappe? Je pense que oui. Ah! Mais il fume, il va pas bien le garçon. Ça m'intéresse. Ouais, non, mais rêve pas. Hein. Pour le jour, dernière. On a du budget dans ce... Non, ouais, vous rêvez, hein. Tout le budget de la dernière va passer dans les merguez et dans le barbecue. Ah bah oui, c'est facile, ça. Est-ce que Kix est obsédé par ses pieds? Je pense que oui. Mais enfin. On le sait. Maëva. Non, mais non. Non, c'était comique. Redis là, je l'ai oublié. Tu penses que c'est possible qu'on ait un jour un salaire dans la trappe? Voilà. Allez. La deuxième, Kix. Je t'ai pas dit, ma femme, elle est... Travaillée, retouchée. Mais il est excellent. Mais il est fort cette semaine. T'as bouffé un clown cette semaine. C'est la chaleur, ça lui fait du bien au cerveau, ça dilate les pensées. Je deviens con. Non, drôle ne veut pas dire drôle. Oui. Combiné surtout. Ah oui. Oh, Maëva. Qu'est-ce que les influenceuses comme Nabila et Kim Kardashian se disent après un selfie? Travailler, retoucher. Ah oui, c'est vrai, bah oui, retoucher. Ouais. Le jour où vous voyez une photo naturelle... Elle est comment ta photo Tinder, Kix? Travailler, retoucher. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est tout pour moi. Vous étiez tous drôles. Ah. Sauf, pas de coups de combiné. Ah. Ah bah oui. C'est facile ça. Moi ça, je m'en prends deux dans les dents et. Bah tu t'en es pris aucun. T'es bête ou pas? Pas de coups de combiné. D'attaque. Il y a les pieds. Ah oui. Et ah oui. Et la photo. Pas grave. Troisième question, Kix. Quand t'arrives à faire fondre la pastille bleue dans les urinoirs. Travailler, retoucher. Non, c'était celui d'après. Hein, c'est pas... Mais non, mais tu étais trop bon, alors il fallait bien que je te sabote. Enfin... Non, vas-y, refais-la. Et pourquoi que c'est à cause de mes doigts? Alors, non, c'était moi qui le lance cette fois-ci. Quand t'arrives à faire fondre la pastille bleue dans les urinoirs. Pour moi, c'est une belle responsabilité. Ah ouais, mais Maëva, tu peux pas comprendre, mais chez nous, les mecs, viser la pastille bleue de l'urinoir. T'as mis ça aussi? Non. Ah. Oui, mais oui, parce que moi aussi, j'essaye de viser. Vas-y, Lila. Mais non, mais moi, j'ai pas cette réponse-là. J'ai pour moi, c'est mission accomplie. Pour moi, c'est une belle responsabilité. Qui c'est qui a préparé ça encore? Kix. Quoi? Bah non, parce que du coup, c'est. Bah oui, pour moi, c'est mission accomplie. C'est bien ce qui est noté partout chez tout le monde, hein? Et oui, mais le monsieur, dit pas je ça. Je comprends pas. Bah, monsieur. Alors, sur la feuille, c'est écrit pour moi, c'est mission accomplie. Dans le son, ça. Pour moi, c'est une belle responsabilité. Bah, c'est pas du tout ça, hein. Bravo, Kix, hein. Comment ça, bro? Bah, enfin. Bah, tu t'es encore. C'est mal noté? Bah oui, c'est mal noté. Ah, flûte, alors. Bah, attends, je vais faire du. Bah voilà, la première bourde. Ah, ah être la voix féminine de la trappe. Pour moi, c'est une belle responsabilité. Très auto-centré sur l'émission. Mais tu m'en veux ce soir ou quoi? Une interview combinée où tout le monde a bien préparé ses questions. Pour moi, c'est une belle responsabilité. Ouais. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. C'était interminable cette séquence. Bonne. Faudra qu'on aille plus vite un peu, hein. Pour moi, c'est mission accomplie. Non, pas vraiment. C'est stylé. Oui, bah au moins c'est stylé, oui, effectivement, heureusement. Merci Mister V, à très bientôt. Et là, après, c'est moi. Non, non, non, c'est fini. Après ça, on fait d'autres choses. Merci, c'est la trappe. Quelle fête! Ah, ça, ça fout la pêche. Ça, c'est très summer comme titre. Je donne mon avis sur la prog. Le mec, c'est, il est là avec son pouce levé ou son pouce baissé. Ça, je valide. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Maëva est là pour nous faire sa séquence. Ok Boomer, pour ne pas que vous soyez dépassé par la technologie, elle est là pour vous faire une petite upgrade, une petite mise à jour, et histoire que vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre le monde qui nous entoure. Technologiquement parlant. Voilà, je suis prêt pour aller sur la première. Merci. Je vais parler des faux prix barrés sur les sites en ligne. Les faux prix barrés. Les faux prix barrés. Parce que, à l'heure actuelle, tout le monde fait ses achats en ligne. Pourtant, faut être vigilant parce que, faut pas se laisser tromper par des techniques de marketing trompeuses. Comme par exemple, les prix barrés ou plutôt les fausses réductions. Parce que 9 fois sur 10, d'après l'UFC Que Choisir, donc l'Union Fédérale des Consommateurs, il s'agit uniquement de marketing et c'est pas vrai, en fait. On voit un gros prix barré en rouge avec un prix plus petit à côté. On pense que c'est une réduction de malade, mais en fait, parfois, c'est le même prix. Enfin, le prix de base, et parfois, on gonfle même le prix. Mais nous, notre cerveau, c'est humain, on se dit waouh, vite, et parfois il y a un timer, la réduction va encore durer une heure, et donc on se fonce dessus, on veut acheter. Mais c'est dans l'acquis collectif que tout ça c'est de la daube, non? Bah non. Bah si. Plus mais personne non, parce ne que fait. Juste, c'est pas sur, que sur des. Tu, toi tu vois des sites un peu chelous, mais c'est surtout. Bon. Mais non, mais non, mais pas ça. Mais des petits sites, etc. Mais des grands sites le font, comme Amazon, AliExpress, Cdiscount, Zalando, eBay. Bah même en magasin normal. Donc tu peux te faire avoir partout. Bien sûr. Partout, que ce soit en ligne ou en. Non, moi pas. Moi je pars du principe que toute promotion sur tous les sites internet, c'est que de la magouille. Et t'en sais rien, tu connais pas le prix original. Non, je dis même pas spécialement sur les sites internet, même quand tu vas dans un magasin, parfois il y a des magasins qui font ça aussi. Bah oui, la caissière elle se lève le matin, elle dit Janine, ça se vend pas les poireaux. Mais s'il te plaît qu'ils étaient à 7,50 et on mettra une pancarte comme quoi la botte est à 6. D'accord. Mais ils étaient déjà à 6. Oui, mais la promotion le fera vendre. Merci Janine. Mais ok, pour une fois vous êtes au courant, ça change franchement par rapport au tout. Normal, mais on est aigri. Mais pour tous les boomers, et sans se moquer d'eux, c'est normal, ça leur arrive souvent parce qu'ils sont pas habitués à cette manière de consommer et au fait que Internet s'est rempli de plein d'arnaques. Mais du coup j'ai des solutions. Des astuces. Des astuces. Donc pour éviter de se faire avoir en ligne par les faux prix barrés, il est d'abord important de comparer les prix des articles sur différents sites en fait. Faut pas se darrer en se disant vite, il reste qu'une heure, on prend le temps d'aller voir d'autres sites, donc soit on fait par soi-même avec l'onglet shopping sur Google, on tape. Chérie, il faut payer! Vite! Sors la carte bleue, sors la carte bleue! Mais comment on fait? Mais tu rigoles, mais ça arrive, hein! Je n'arrive plus à taper mes chiffres, je suis trop excité. 3 secondes, 3, 2, 1, le prix va... Ah, le prix a pas changé. Mais te moque pas. T'es en train de te moquer de gens. Il y a plein de gens qui se font avoir, hein. T'es pas gentil. Non, je connais plein de gens même qui n'osent même pas payer via internet encore de nos jours. Alors, dis-toi que vraiment, je suis ouvert d'esprit. Bon, mais du coup, on va comparer les prix avec d'autres sites. Donc, soit avec l'onglet shopping sur Google, mais il y a aussi des sites de comparateurs de prix en ligne disponibles pour vous aider à trouver la meilleure offre, comme le Dénicheur, Idealo ou encore 1-2-3 Comparé. Ensuite, il est recommandé de consulter l'historique des prix du produit que vous souhaitez acheter. Donc, il y a certains sites qui le proposent et vous pouvez, ça permet de vérifier si le site, en fait, c'est vraiment une bonne affaire. Type A, autre astuce, c'est d'aller voir les avis des consommateurs. Donc, parfois, elles sont directement sur le site. Donc, on voit les avis des consommateurs qui disent... il est en train de me filmer. C'est ma vie, ça va, c'est de la radio. Qui disent... ce qu'ils pensent qui pensent du produit, donc pour voir la valeur réelle. Mais il y a aussi des sites qui parlent et qui notent le site en ligne en général, comme Trustpilot, où on peut voir plus ou moins si c'est réel, les réductions, etc., d'après l'avis des autres. Ok. Donc voilà. Il y a des outils, donc. C'est ça, exactement. Mais je viens de tous les citer. Mais c'est génial. Merci beaucoup. On les résume vite fait, qu'on les note. Alors, juste les le nom. Comparateurs de prix comme le Dénicheur Idealo ou 1-2-3, allez voir l'historique de prix qu'on peut voir sur certains sites, ou alors allez voir les avis des consommateurs sur le site même, ou un site comme Trustpilot qui donne un avis sur le site. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Voici Flo. On revient juste après. Avec quoi? Avec le FaceTime. On va jouer avec X. Yes, go. But I like that. J'ai rien compris. Merci. Y a personne qui coupe la clim ici. Ah non, bah non, évidemment. On fait la radio bonne franquette. Bon, bah, pas grave. De toute façon, je quitte l'animation de cette émission. Non. Ah bah si. Mais là, c'est qui prend le pouvoir maintenant? Ah. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez tous votre buzzer sous la main, Maëva, Jadoul. Yes. Alors, oui, bah attends, faut que je le teste. Jadoul. Voilà, attends, bah alors, Maëva. Parfait. Allez, parfait, on est tous prêts. Alors on peut commencer. Paris, un immeuble cossu du 16e arrondissement. C'est ici, tout en haut d'un escalier de service, dans une petite chambre de bonne sans confort, que vit Leslie. Ok, je suis à la bourre. Je suis dans cette chambre, c'est le dernier étage, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette, c'est au 10e étage, mais bon, c'est pas un hôtel 4 étoiles. La voix me dit quelque chose. Ah ouais? Ah ouais, la voix me dit vraiment quelque chose. Oui, mais c'est trop tôt pour buzzer. Maëva, pas d'idée non plus? Non, au début, j'allais dire Stéphane Plaza, parce que c'était Stéphane Plaza. Ah oui, ça aurait pu être une bonne idée. Sur les apparts. Non. Bah, non, du coup, non. Deuxième indice. Belle, jeune, fraîche, respirant la vie que tu m'as donnée. Pendant deux printemps, j'ai pu en profiter malgré les coups durs, les brimades que tu subissais. Alors là, non, je suis largué. Ah, Maëva? Rendu fou par une jalousie excessive. Non, je suis pas sûr. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Elle a frôlé le buzzer. Hein. M'oblige à faire face à ton souvenir. Aucune idée. Est-ce que chez vous, vous avez trouvé? Tiens, c'est une bonne question, ça. Bah, chez nous, non. Non, mais chez vous, les auditeurs, je parle. Ah, oui, pardon. Ah oui, de l'autre côté de la radio, on joue aussi, mais c'est vrai. Évidemment, à chaque fois. On leur laisse un petit peu aussi le temps de jouer. Du coup, et vous n'avez pas d'idée, Jadou? On vient de te dire. Toujours pas, ok. Non. Bah, troisième indice alors. Là, ça aide, hein. Il y a eu Maëva avant Jadoul. Attends, j'ai pas calé là, tant qu'il y a plus. Je te jure que ça a été Maëva avant. Maëva en premier, ouais. Du coup, Maëva. Avida Turner. Eh, c'est une bonne réponse, c'était bien Avida Turner, un point pour Maëva. Remets-nous le cri, s'il te plaît. Le cri. Il est bien, hein. Et je me le garde. Je me le garde, c'est le combien? C'est le 67. Voilà, je le prends. Hop. Bah oui, comme nous. comme on n'a pas les réponses sur notre écran pour éviter qu'on ait les réponses et tout. Évidemment. On a mis un petit code, ça veut dire que chaque numéro correspond à une réponse dans son petit carnet à réponses. Voilà, bien gardé, que je ne peux pas oublier sinon je suis mort, mais que Maëva voit de loin. Mais non. C'est pour ça qu'elle buzz la plus vite possible. Pour ça qu'elle a toujours les réponses. Voilà. Allez, on y va. Deuxième personnalité. Stoxyloto, Arrêtez. C'est pas l'un, c'est l'autre, on est tous en train de le lancer. Bon, je vois pas qui c'est, non, vas-y, deuxième indice. C'est la chanson des 10 commandements, ce sera nous. Ouais, mais le but, c'est mais dans une langue la que je chanson, ne sais c'est pas. La personne. C'est, bon, bah, c'est pas le blend test. Ah, pardon, alors deuxième indice. Oui. Nikos Aliagas. Bah oui, évidemment. C'est ça. C'est lui qui chantait. C'est lui qui chantait. Mais non. Je te jure que c'est lui qui chantait. Ah, moi, je l'ai eu juste avec le générique de 50 000 Inside, moi. Ah oui, vas-y. Ah, bah, ok. Oh. Oui, en effet, oui, bon, oui. Bah, bravo Nikos. Monaskia, je crois. On n'a rien à foutre. Du coup, c'était peut-être en grec parce qu'il est grec. C'est ça. On se fait la dernière manche. Dernière ouais. manche. Tu le coupes quand tu veux, ton son. Ouais, c'est fait, voilà. Troisième manche. Well, it's one for the money, two for the show. Trop facile. À mon avis, c'est pas ça. Ah. Il faut trouver un Elvis. Je suis sûr, il faut trouver un Elvis. Ouais. Ou peut-être un autre nom. Oui. Roméo Elvis. Ouais, c'était très simple. Ah, très simple. Ben moi aussi j'avais l'idée, mais je laisse le jeu ah aller. Ah, mais il faut peu. Buzzer, le buzzer. Ah non, ouais, c'est du jeu ici, hein. Ah. Le jour où on sera encore courtois dans ce jeu, là c'est chacun pour sa gueule. Tu serais par terre, je te marcherais dessus comme ça. Mais je suis curieuse, c'était quoi l'extrait pour Roméo? Ah, bah vas-y, ouais, vas-y. Le continue deuxième. Les indices parce qu'on est à l'avance. Ah oui, Roméo et Juliette. Okay, okay. Ah, t'as vu, pour qu'on ait deux, Roméo. Non, Elvis, non, Elvis et Roméo. C'est Roméo, ok. Et le dernier. Et le dernier, bien dégueulasse. Ah non, en vrai, ça va. Je pensais que j'avais fait pire. C'est bien, c'est bien. Cela dit, eh bien, cela dit, j'adore le son. Hein. Je disais pas que le son était dégueulasse, hein, au cas où. Moi, je trouve que c'était chaud. Là, je suis chaud, mais je vois que des faux qui se pensent importants parce qu'ils sont au niveau réseaux sociaux. Mais victoire, Jadoul. Ah, c'est moi qui ai gagné. Ah, bah oui. Ah, oh, ça fait plaisir. Ma réaction face à ta victoire. Maëva s'essaye à l'écran tactile. Oui, c'est marrant. Attends, je réessaye. Ah, c'est pas mal. On dirait un bruit d'un dinosaure, je sais pas. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. C'est où que t'as appuyé? Attends, c'est là? Attends, vas-y, j'essaye. Je mets mon doigt. Oh, pardon, je me suis trompé. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Gaulois et Nino, maintenant, ils en pensent quoi? Ils en ont un. Il va rester ce cri. Ce cri d'Afina Turner. Il est absolument génial. Moi, si je serais rappeur, ce serait mon petit, ma petite signature. Bah, bang, bang. Dès 20h, c'est la trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KPF. Enchanté, 21h pile, on n'a jamais été autant à l'heure dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il faudra attendre 37 émissions pour qu'on soit enfin des élèves studio dans cette radio. Ouais. Je me suis peut-être un petit peu trop énervé, du coup je vous ai fait peur. Oui, je pense. Le petit coup de pression. Elle est féroce. Hein. Désolée. Autant elle n'était pas là dès le tout début de l'émission. Elle est arrivée quelques mois après qu'on ait démarré dans l'équipe. Mais c'est elle qui nous tient à la culotte. Hein. Oh là. Oh, dut, ça va. On l'appelle le porte-manteau dans l'équipe. Non, mais les gars, ça va. Parce j'ai remis un peu d'ordre dans tout ce bazar. Elle inspire la droiture. Et à tout moment, on est cloué au porte-manteau. Et là, on fait moins les malins. Hop là, on est tenu par le slip. N'en parlons plus. Dans quelques minutes, justement, en parlant de Madame Maëva. Ah bon? Je n'ose plus la regarder dans les yeux. Tu vas avoir notre fallait nous le dire plus tôt, une réponse à une question du quotidien que personne ne se pose. C'est ça. Je te dis c'est quoi? Ah bah oui, on veut jouer, on veut déjà commencer à jouer, essayer de trouver. Alors il faut du visuel. Vous voyez les jeans, on a une poche. Oui. Eh ben dans la poche, souvent sur le dessus, il y a une mini poche, un petit carré là. Ah oui. Pourquoi on a une mini poche? La fameuse poche qu'on appelle la poche à briquet. C'est vrai. Oui, ben oui, mais c'est pas ça. Voilà, ça c'est pas. Bah voilà, c'était ça. Bravo, franchement. C'est ça. Nickel. Non, c'est pas ça. Ah, tu m'as fait peur. Non, mais elle s'appelle comme ça la poche à briquet, mais ce n'est pas. C'est pas ça. En tout cas. On peut mettre une pièce, on peut mettre un briquet. Quel est le rapport? Bah, mets-toi ton cul, en gros. Bah, le briquet, la poche, elle est où? Elle est à l'arrière. Oui, Non, elle est pas à l'arrière, toi t'as rien vu. Elle est à l'avant. Ah ouais. Montre-moi. Mais moi j'ai même pas ça. Ah ben non, attends, c'est quoi ce pantalon, c'est quoi ça? Mais enfin. Et toi j'ai le tag. Non, bien sûr que j'ai la mini poche. Attends, je te la montre. Oh. Non, oh. Bah ça c'est une poche à bière. Ah moi je l'ai, regardez, je l'ai. Waouh. On sait jamais autant regarder les pantalons. Regardez, moi aussi, je l'ai. Elle est là. Hop là. Ah ouais. Ah ben nickel. Mais dans votre poche, vous, souvent, c'est toujours à droite. Il y a une petite poche, un petit carré, là, un petit morceau de tissu. Ça sert à quoi? À part mettre un briquet. Une pièce? Non. Une boussole? Non. Ah bon, on verra dans un instant. Pour ça, il faut pas débrancher. Ça se passera dans 6 minutes. Le temps avant ça de faire Radio Falminioul. Et tout de suite, les infos qui... Redis-le. Les infos... J'adore le couper avec le jingle. Les infos qui... Ah là, t'as vu, c'est fluide. Première info, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a entraîné le prolongement de l'année scolaire jusqu'au 7 juillet 2023 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien que la majorité des familles ne prévoient pas de prendre cette mesure, certains ont décidé d'avancer leurs vacances d'été. Cela signifie que leur enfant n'insistera tout simplement pas à l'école pendant la dernière semaine de cours, donc la première semaine de juillet. Ah. Kamala, tu veux partir en vacances? Allez, on en discute avec maman, dans tous les cas, ton année scolaire. Alors, quitte à faire des bulles autant que ce soit dans l'eau de la mer, hein, et pas dans le bulletin. Effectivement, ça fonctionne. Non, mais sans rire. De toute façon, la dernière semaine, elle sert à rien. C'est le jeu de société, c'est du gardiennage. Il y a des enseignants qui se cassent la nénette. Mais c'est des feignants, les enseignants! Je suis fille d'enseignant, monsieur. Mais c'est quoi, c'est Isabelle qui est enseignante? Elle était enseignante et papa aussi, mais JFLP était enseignant, ma belle-mère Charlène est enseignante, on est des enseignants chez moi. Je l'appelle. Isabelle. Non, n'appelle pas ma maman. Non? Mais dis-lui que c'est une feignante, elle va bien te recevoir, toi. Alors, c'est comme pour tout, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais c'est juste qu'il y a une majorité de gens aigris, feignants et fermés d'esprit dans l'enseignement. Bah, essaye, on verra ce que ça donnera. Être enseignant? Bah oui. Alors j'aimerais pas me confronter aux jeunes. Ça, et les parents? Parce que et tout compliqué. Le reste. Les parents qui mettent toujours la faute sur toi. Exactement. C'est compliqué. Mais mon meilleur pote est enseignant. Je sais très bien de quoi on parle. Et non, il est enseignant dans le supérieur. Ça n'a rien à voir avec les primaires. Hein. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup plus de liberté. Ah non, là par contre, là tu me. Ah, non mais les primaires, j'ai rien à dire contre eux parce que généralement c'est des petites instits qui, franchement, voilà, on n'a rien à dire. Ouais, voilà. Sur elle et sur eux, d'ailleurs. Non, en primaire. En primaire, non, on discute. Ah, okay, c'est Radio Bistro ici. Je peux vous servir à boire. Hein, non, mais ça va. Et oh, t'as oublié que c'était une radio locale ici. Hein. On peut prendre le temps. Non, sans rire, ouais. Dans le supérieur, c'est beaucoup plus des gros cons. Oui. Parce que, je veux dire, dans le secondaire inférieur, c'est des petits cons. Et dans le secondaire supérieur, c'est vrai. C'est des gros cons, des gros cons. C'est liberté totale. Voilà, vous êtes enseignant, appelez-nous et vous pouvez contredire tout ça. Hein. Évidemment, on vous donne la parole. Hein. N'hésitez pas, appelez-nous. Jadoul va se faire harceler d'appels même. Allez-y, je vous attends. Mon Instagram, c'est Jajadoul. Vous êtes enseignant, voilà. Vous écoutez l'émission, vous êtes choqué par ce que j'ai dit. Venez me prouver, voilà, que être enseignant, c'est aussi être quelqu'un de tout à fait sympathique. C'est normal que tes abonnés soient en train de diminuer là sur Instagram. J'en ai perdu que 10. Ah. 15. 20. Ouais, bon, mon compte Instagram. Et tes abonnés, ils passent. J'allais faire la vanne, mais comme mais tu m'as coupé, tu m'as coupé. Et puis moi, j'y passe à la fille. Deuxième info, record mondial à Rouen. Lors de l'Armanda 2023, plus de 3900 personnes ont formé la plus grande chenille jamais vue. En marchant au rythme de la chanson, vous savez, la chenille, la bande à basine. Ce serait génial de battre ce record ici en Belgique. C'est vrai. On le tourne très bien. Oui. Bah, avec Claude, Jean-Michel, Maëva, Kix, René, Guy, tous les gens de l'émission. Enfin bon, faire en sorte que tout le monde... Ça risque d'être compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que ça va faire du monde. Surtout que la trois quarts de ces personnes sont nous-mêmes. Oui. Ce sont des gens fictifs, ce sont des personnages. Ils n'existent pas dans la vraie vie. Sur si René, Guy, Claude, bah, il reste nous deux. Voilà. Non, il n'y a pas Jean-Michel non plus. Jean-Michel, ouais. Bah oui, c'est Geeks. Voilà. Oh, on vient peut-être de briser un rêve. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'a jamais dit à l'antenne que ce sont des personnages. Non, Jean-Michel n'existe pas vraiment. C'est Geeks qui fait la voix. Mais enfin, et les pauvres enfants qui écoutent. T'imagines? Pardon, non, Jean-Michel existe, pardon. L'alcoolique de l'émission existe. Et on le retrouvera dans quelques instants. Avant ça, laissez-moi faire la troisième info qui... Retour en Belgique chez nous. D'ailleurs, on n'avait pas quitté la Belgique. Ah si, on avait quitté la Belgique, ouais, on était à Rouen. Retour en Belgique. Un réfugié qui a fait la guerre en Ukraine. Non, et désormais... il a évité. Hein. Je ne sais pas s'il a fait la guerre, mais il a évité. Ok, il l'a évité. Bon, bah, il est réfugié chez nous. Et voilà, c'est un Ukrainien, il vit bien sa vie ici à Bruxelles. Et il s'est retrouvé à remporter 500 000 euros à un jeu de grattage. 500 000 euros Mais c'est fou. Félicitations à lui. Bah oui. Bah attends. Ouais, oui, y a pas de chute à cette info, mais je trouverais ça tellement bien pour terminer les infos qui. Non, mais franchement, qu'on vous le dise. Franchement, c'est un beau geste. Enfin, un beau geste, il a pas eu, c'est de la chance, quoi, pour le coup. Comme quoi, il y a pas toujours incroyable. La chance, c'est là d'un coup. 500 000 euros qui tombent dans un bain. Bravo. Ça fait plaisir, là. Oh, voilà. Ça franchement. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Alors, je vous propose pas de faire une chenille, mais je peux vous proposer. Ah, la Macarena. Oh, yeah. Mais la version d'Amso, hein. Ah oui, ok. On va pas faire la version ouais, aussi bien. Moi, j'aime bien. Du mec bourré en fin de soirée. Il connaît pas la Corée, c'est toujours ça un massacre. Michel tout à l'heure. Le monde est à nous. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Avec Jadoul. Sur KIF. Sobriété, c'est le mot, je oui, pense. Oui. Discret, vraiment. Voilà, j'aime beaucoup. Désolé, les gars, on va l'entendre souvent. Je vous propose que nous connections à Radio Falminioul. Oh, oui. Nos deux professionnels de la bande FM ont encore de beaux jours devant eux. Maëva, ça va que lui faire plaisir. Non, mais ça va, je m'habitue. On va les retrouver. Bon, ça va, encore trois émissions et c'est terminé. Allez, celle-ci t'écoute, encore la semaine prochaine, et après c'est fini. Ah par quoi, la dernière, ils seront là aussi. Ah mais oui, on peut peut-être les faire venir. Ah mais c'est compliqué, on n'a pas de... On pourrait les faire venir, Kix. Mais ils vont mettre le feu au studio, t'as vu les catastrophes qu'ils font chez eux, imagine ici. Ah bah là, on dit adieu à tout le studio. Il faut des aides-soignants, il faut on verra. Quelqu'un. On verra, écoutez, en attendant, on va voir ce qu'ils vont faire cette semaine. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où Guy a perdu la vue. Bonjour René, regarde ce que j'ai été chercher à la boulangerie. Des bons petits pains au chocolat. Oh, parce que j'ai une annonce à te faire. Ouh, toi quand tu ramènes des gâteaux pour me faire passer des nouvelles, c'est que la pilule sera grosse à avaler. Non, c'est des pains au chocolat. Guy, c'est écrit bon anniversaire Franck sur ton gâteau, c'est pas des pains au chocolat. Ah oui? Allez, annonce-moi ta nouvelle. Électricité trop chère pour la radio et nos revenus sont insuffisants. Nous allons devoir ne plus diffuser en stéréo. Pour réduire les coûts, on va passer en mono. Oh non, je te laisserai pas faire ça, Guy. J'aime trop me balader dans les oreilles de nos auditeurs. Mais si tu dis qu'on n'a plus le choix pour survivre, je vais aller débrancher la stéréo. Oh. Mais attends, c'était déjà mis en mono. Bah ça voudrait dire qu'on n'a jamais été en stéréo. Mais depuis le début, t'avais mal configuré ça. En plus, tu ne vois plus clair, Guy. T'as une tâche quand tu regardes ta femme. Et reste poli, mon vieux, je te permets pas. Sinon, elle va voler, celle-là. Je ne parlais pas de toi, mon cher. J'ai réellement une tâche devant les yeux. Ah! Alors non, ça, ce n'est pas normal, Guy. Bah oui. Je me disais bien aussi. Je pense que j'ai perdu la vue. Je veux pas être de mauvaise foi, mais je la trouve pas non plus. T'es sûr que tu l'avais prise avec toi? Certain! Je pouvais même voir jusqu'au Pérou! Ah oui! Je vois pas où est le problème, mon vieux. S'il te plaît, René, aide-moi! Je ne veux pas perdre la vue maintenant! Qu'est-ce que c'est? T'as plein de chocolat sur tes lunettes, t'as foutu tes gros doigts dessus! C'est normal que tu vois rien, Guy! Avoir la taille de ses doigts tout boudinés, c'est sûr que ce sont les tiens. Tu l'auras voulu, Guy. Ah non, hein? Ah si! Ah non! Et paf! Et tiens! Ah! Non! Lâche ma jambe! Non, pas mes bas de contention! Laisse mes varices tranquilles! Ah, j'ai du pu dans les yeux! C'était pas du pu! Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Quel bonheur, du soleil, la bonne musique et des délires. Dans quelques instants, le fallait nous le dire plus tôt, Maëva, ça va être... La petite poche dans les jeans. Ah oui, à quoi elle sert? Ouais, la petite poche au-dessus de la grande poche. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est pas à l'arrière, Kix. Je sais que. Non, mais oui, à l'avant. Okay. Souvent à droite. Tu confonds souvent. Et Jean-Michel nous rejoindra. Enfin, du moins, on va se connecter à lui. Il est sur sa terrasse. Et on va voir ce qu'il a pour nous cette semaine. Ça va être encore incroyable, hein, je suppose. Merci, Nino. Avec Niska, le titre c'est. Maman, non, le sait pas. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Il est temps de faire le fallait nous le dire plus tôt. Ah oui, c'est vrai. La meuf, absolument pas au courant de l'émission. Elle est censée être, vous savez, un peu dans le rôle de la productrice. Mais oui. Même elle, il fallait lui dire plus tôt. Il fallait lui dire plus tôt que c'était ma séquence. 21h22, soyez les bienvenus. L'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul. Et sur le temps que qui jette ses canettes ici? Qui a acheté sa canette? Vous faites un bruit monstre dans ce studio. J'ai pas fait exprès. Elle est renversée? Ben, elle était vide. Ah oui, t'as de la chance, toi. Tout va exploser. J'ai mis un peu de Coca-Cola dans la console. C'est ça. Valais nous lire plutôt, de quoi parle-t-on? Des petites poches dans les jeans, en fait. Il y a les poches normales et il y a une petite poche carrée, souvent située à droite, où on peut à peine mettre une pièce ou enfin une grosse pièce. À l'heure actuelle, on met plein de choses dedans, mais... Ok, très bien. Pourquoi on a créé cette poche? Pourquoi est-ce qu'il y a cette poche au-dessus de la poche? C'est ça. C'était pour ranger quelque chose. C'est ça. De bien précis. Oui. Ok. Ah ah. Bloquer du shit. Un monocle. Non, ça, je sais pas à quoi ça sert. Pour ranger des petites choses, des petits confettis, quand t'as envie de célébrer une petite chose. Bah, tes clés. Ah oui, les clés. Bah oui, les clés. Bon, ça passe. Ah si, bah non c'est pas ça. Une clé. Une clé, ouais. Ouais, t'es pas passe-partout hein, quand une tu rentres. Une clé, oh. Mais il y en a deux en fait, c'est ça qui m'angoisse. Bah deux clés alors. Il y en a deux, il y en a une de chaque côté, donc forcément non, c'est... Non, il y en a pas deux. Non, souvent il y en a qu'une. Hein. Ah oui, j'en ai qu'une. Ouais, c'est souvent à droite. Pour les droitiers, parce que plus souvent il y a des droitiers, mais on en a fait certains à gauche, parce qu'il y a aussi des gauchers. Pas. C'est pas pour ranger une montre, puisqu'on a la montre au poignet. Ah. Quoi, c'est ça la réponse? Oui. Okay, mais oui, explique-nous. Alors, ça existe déjà, c'est Levi's, la marque de jeans Levi's qui existe depuis des années et qui a fait ça en 1873, à l'époque des cow-boys. Une poche à gousset. C'est ça, parce qu'avant, les montres à bracelets, elles n'existaient pas. On vient de me souffler la réponse par SMS. Et c'est qui triche là-bas? Ah bah, là, on vient de me l'envoyer, ça s'appelle une poche à gousset. Exactement. Et vu qu'il n'y avait pas les montres bracelets, bah, il fallait les cow-boys dans le Far West, ils bougeaient, etc. Levi's existait déjà au temps des Far West? Oh yeah! Ah ouais? Attends, non mais faut qu'on vérifie nos infos là. Mais attendez, mais... les gars. Le voilà. Far West, c'est 30 ans avant Jésus-Christ. Mais 1800, enfin, 1800, mais pas tellement en vrai. Hein. Ok, d'accord. Mais c'est 1800, mais écoute-moi, c'est 1873. Combien? 1873. Écoute maman Maëva, hein, parce que. Attends, bon, mais okay. Tu me fais douter de mes infos, bon. Arrête. Bah y'a de quoi non? Tu sais où j'ai été pêché mon info? C'est Jamy qui a fait un TikTok là-dessus. Alors elle je me suis dit vole tout Jamy. Est nickel. Ben non, mais je l'avais dans ma liste de petits objets à faire deviner. Quand j'ai vu que Jamy avait fait un TikTok là-dessus, je me suis dit fonce Maëva. C'est un signe. Bref. Bon, et alors vas-y, c'est quoi l'info? Mais que c'était à l'époque les cow-boys pour pouvoir. C'est tout, y a rien d'autre à savoir. Non, Levi's a mis une petite poche et c'est pour ça que c'est souvent à droite parce qu'il y a souvent des droitiers et donc c'est juste pour la montre à gousset. Mais ranger la montre et la montre à gousset, c'est quoi comme montre? On pourrait résumer. C'est juste la petite montre avec une corde parce que. Comme c'est une boussole, le fameux quoi. Cliché une boussole, une du mec le contrôleur de train, vous savez sur le quai des films, qui a sa poche avec un fil comme ça qui pend métallique, une chaînette avec la montre. Ok. Et comme ça il regarde sa montre. All Express ici. Et pour info, Levi's existe depuis 1853. Ouais, ça va. Et, ouais. Et a inventé ça en 1873. Donc l'info ça fait... était bonne. Mais oui, donc ça faisait déjà 20 ans qu'il était sur le marché. Dans la gueule à Jadoul. Bim. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Tiki tiki taka. Tiki taka. T'es ma locomotive. Vakra. Chouchou. Ça veut rien dire les gars là. La terrasse de Jean-Michel, on va s'y connecter dans quelques minutes. Pour ça, il faut pas débrancher, ça se passe ici, tout va bien et on est de bonne humeur. Bienvenue. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Merci de nous avoir choisis, nous sommes en direct. Et Maëva est là, évidemment, aussi. Oui, ouais. J'ai ramassé ma canette. On s'en fout. Ah, ok. Et de en bière, revanche, il faut préciser. Ce n'est pas elle qui tient l'accordéon, mais c'est bien Monique. Oui. Et en parlant de bière, il faudra qu'on se connecte à notre café. Notre terrasse, plutôt. Le troquet de Jean-Michel. Il est là. Jean-Michel, est-ce que vous nous recevez? Allô, Jean-Michel? Oh, quelqu'un? Oui, oui, vous parlez bien dans le... Tenez bien le micro près de vous. Non, non, pas trop près non plus, Jean-Michel. Eh ouais, ça va, on vous entend. Ça va. Salut Maëva qui nous entend aussi. Salut Maëva. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, et puis je fais quoi? Bah là, je vais vous poser des questions, vous voulez bien? Oui, aussi. Vous connaissez le rituel, chaque semaine on prend de vos nouvelles. Notre très cher ivrogne qu'on aime beaucoup et notre ami avant tout au final. J'ai oublié de vous le dire, vous êtes notre ami Jean-Michel. Ah, c'est gentil ça. Il s'appelle Jean-Michel. Enfin, on n'a jamais vérifié, mais c'est ce qu'il nous a dit un jour. Et il est là avec nous. Ah oui, toujours là quand il faut. En fait, il faut que je te raconte un petit truc, mon Jean-Doul. Ah, vous allez nous raconter quoi? Parce que... Ah non, non, ah non, pas en chanson. Oh Jean-Michel, je peux plus de vos chansons là. Ça va pas être toutes les semaines quand même. C'est Jean-Mi. Merci. On va chanter avec vous alors, hein. Ça sent mauvais, ça. Mes analyses d'urine étaient perturbées par l'alcool. Depuis le temps qu'on vous le dit. Quand ma Monique a appris ça, elle m'a mis une torgon. En même temps, Jean-Michel, vous l'avez cherché, là. Coup de genou dans les boules, boules, boules, boules. Les urgences m'ont gardé car je suis dans le coma. Ah oui, c'est jamais votre faute, Jean-Michel. Ma Monique ne veut plus de moi. Moi. Elle leur a dit qu'elle ne voulait plus me voir. En son, je m'en fous, les infirmières ici étaient plus belles. Oh non, pas... Oh non, il y a votre Monique. Je suis reparti à con. On a essayé de chanter avec vous, mais c'était compliqué, Jean-Michel. Vous êtes un cas désespéré au final, hein. Mais bon, ça changera jamais. On vous aime comme ça. À bientôt, Jean-Michel. À bientôt. Bisous, bisous, bisous. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe. Salut. Je suis quand là. Salut. Oui, mais c'est bon. Il faut couper votre micro. Enfin, je vais le faire pour vous. Oui, ça va. Salut. La vie est magique un peu. Voici Romeo Elvis. Je suis pas le. Dans un instant, le nouveau MC Solar à découvrir ici. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Les 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et ça fait longtemps, et si on se perdait sur Internet? Oui. Notre perdu sur Internet fait son grand comeback. Maëva, tu es déjà enchantée de découvrir des nouveaux... Non, oui, vraiment, mais ça m'inquiète parce que parfois tu trouves des trucs... Ah, mais on va loin. Ah oui, là, oui. Oh, bah on oui, va dans oui. les recoins, même YouTube ne savait pas qu'il y avait ces internautes. Ouais. Et donc je me demande vers... qu'est-ce que tu peux faire de pire, et à chaque fois tu arrives à me surprendre, donc... Bah là, fort, hein, trois possibilités fort. Pour se perdre sur Internet. Ah. J'ai besoin de votre aide. En premier lieu, nous avons Filou, le grand-père qui nous présente sa caisse à outils. Blanco. Pas Blanco, Blanco c'était le type ex à l'école. Blanco, le clopeur qui parle de la chaleur. Ah, ça rime en plus, ils sont cons. Et Marc, le petit prodige du violon. Ah, la personne âgée avec sa boîte à outils. Ah oui, Filou. Filou et sa boîte à outils. Oui. On découvre tout de suite la réponse en se perdant sur Internet. Vous êtes perdu sur Internet. Je vous présente Blacko. Oh. Ouais, non, c'était pas du tout Filou et sa boîte à outils, je suis désolé. Ça aurait été plus Mims. Ouais, bah là, c'est tout aussi Mims, mais si on ferme les yeux, si on louche et si on se bouche les oreilles. Vas-y donc, Blacko. Allô, allô, salut à tous. Salut, c'est Saïcha. Salut. Voilà. Le son est déjà parfait. Délire du gars, le personnage. Bon. Il a compris qu'on avait des problèmes de chaleur dans ce studio, car si je prends notre thermomètre en direct, nous avons 34 degrés. Oh, ça va. Oui, on a déjà fait pire. Oui, hein. Dans ce studio 34 degrés, il a compris qu'on avait des problèmes de chaleur dans ce studio, donc il a peut-être des solutions pour nous. C'est pour vous dire que moi j'ai inventé un système pour refroidir ma chambre. Vous savez ce que vous faites ? Ah, on veut savoir. Vous prenez des bidons de 5 litres, vous les mettez au congèle, bien congelés. Vous achetez un ventilo. Moi je mets 3 bidons devant. Un, deux posés comme ça, un dessus. Et ça a fâché la chambre vachement. Hein. Oui, bon, il faut avoir des bidons de 5 litres. Hein. C'est la clim de Mario que j'ai inventé là. Mario ? Mais c'est cool, on ne sait pas qui c'est, Mario, la clim de Mario. Ah, peut-être Mario. Et puis il faut un sacré congélateur. Lui, je pense qu'il a un. Tu vois, le congélateur qu'on a dans les films pour planquer des cadavres. Ah ouais. C'est le grand congélateur. Ah, ce serait fort probable. C'est ça. Comment on appelle ça ? Avec un couvercle, enfin. Oui, le bac, quoi. Ceux oui, qui sont couchés rectangulaires. Ouais. Mais j'en ai un. Le cercueil à. Pour un nain, moi, alors. Parce qu'il est pas grand d'une personne, il est comme ça. Et on le. Le congélateur pour personnes de petite taille, on dit. Voilà. Oui, pardon. Le mec qui veut faire des polémiques, surtout. Bon, on va tenter son astuce, là, Mister Blanco, Blacko, machin, là. Bon, vous êtes chaud ? Oui, oui. Accrochez-vous. Essayez comme ça, essayez de prendre. Des bidons de 5 litres, vous les mettez à congèle dans un coffre, c'est mieux. Vous les mettez dans le coffre du congèle, vous laissez bien congeler et vous les sortez. Vous les sortez après, vous les mettez devant le ventilo, un grand ventilo. Plus il répète, moins il articule. Hein. Il a répondu à ta question, il a bien ça, un coffre le congélo. Un coffre. Ah ouais. Ben voilà. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai pas de ventilateur, on fait comment, Blacko ? Moi j'ai un gris là, vous savez les gris, les grands ventilos gris là. Voilà. Et en soufflant, ça souffle le bidon et ça fait de l'air frais. Voilà mon idée. Bah ouais, mais on va essayer, mais je suis assez sceptique hein, sur ce procédé. À prendre en considération. Hein. Essayez, vous verrez bien. Surtout en période de canicule. Ça, bah là, on est en plein dedans. Bien. Sur ce, à plus, ciao. Ciao, ciao. Comment on coupe ? Et il a trouvé. Jadoul et son équipe dans la trappe. Vous le vouliez ? Ah. Le voilà. Retour d'MC Solar. On est bien content. Juste après, on écoutera l'ISO et on a notre certifié. On va se balader dans les archives. Donc ça, c'est tout nouveau alors ? Oui, oui. Ça, c'est nouveau, ça. Ok. Je le dis pas trop parce que je suis pas sûr non plus. Ah, ok. Parce que comme ça fait tellement d'années qu'on a plus parlé d'MC Solar, on prend ça avec des pincettes, ça. Autant des. Ah, tu m'as mis le doute tout à l'heure, Maëva. Ah bon ? Mais là, on a vérifié. Hein. C'est le nouveau ? Oui, c'est ça. Il est sorti il y a 3 semaines. Ok, il y a un clip ? Oui. Oh là là, la grande totale. Et on vit pas dans le luxe ici, bravo, hein, franchement. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Qui a fait ce conducteur ? On enchaîne deux séquences de sons là, ça va pas. Les débriefs, c'est hors antenne, non ? Oui, pardon, c'est vrai. Ah oui, bon, on est en direct là ? Ah bon, oui. On relance une musique alors. Allez, on relance une musique. Voici l'ISO. Non, je rigole. L'ISO arrive dans un instant avant ça. Le certifié, c'est une archive de la Sonuma. Alors Sonuma n'est pas une société de sonorisation. La Sonuma, c'est l'équivalent de l'INA en France, qui est beaucoup plus connue. Ah, j'aime bien ça. L'INA, bah, c'est un peu les archives de la télé, sauf qu'ici, c'est la version belge. Et on s'est baladé là-dedans et on est tombé sur une archive de 1972, Folklore Wallon, une rencontre de groupe d'enfants du village de Accourt, pays des Macrales. Pays des Macrales. Mm-hmm. Une question l'aurait posée, reste-t-il des sorcières dans le village ? Allô, allô, salut à tous. Non, pardon, c'était pas. Rien à voir, ça c'était la séquence du perdu sur l'internet. Il paraît bizarre dans le temps. Y'en a qui racontent que les Macrales vivent toujours. Ouais, y'en a qui racontent qu'un jour mort. Y'en a qui racontent qu'un jour mort. On en connaît encore des Macrales aujourd'hui. Non, je l'ai jamais vu, moi. Oui. Je la connais. Grand-mère. Non. À la bête rue des pots. On l'appelle madame. Vous connaissez ce que c'est le mot maquerel? Absolument pas. Non. Non? Non, bon, mais je connais l'extrait là. Définition. Le maquerel est un mot venant du wallon liégeois qui désigne une sorcière. Elles sont notamment célébrées dans des folklores de Vielsalm, Accourt et Biéven. Je fais très gaffe sur les noms de patelins parce que j'en ai écorché 2-3 la semaine dernière. Je me suis fait défoncer. Je ne ferai plus le malin. C'est pas évident en même temps. Oh bah, on découvre la Belgique, nous, hein, dans cette émission. Ouais, non, mais grosse archive. Tu la connaissais, Maëva? L'extrait, oui, oui, oui. Le petit gamin, là, il est mais il est fou. Il est incroyable. Il est à fond dedans, là. Bah, c'est un jeune vieux. Ah ouais, un jeune vieux. Bah, vraiment. Merci, tu m'as cramé ma chute. Ah. Nous autres, on l'a surnommé comme ça. Et ça, c'est toute qui jette de sang, hein. Faites attention. Parce qu'elle met du sol, hein. Le lendemain, elle s'en va. Vous avez cerné un peu le personnage. Vous remarquez quand même que ce petit parle comme un vieux de 90 balais. Oui. À peu près, hein. À peu près. L'estimation est au carbone 14. En gesticulant, en poussant un autre grand cri. Et puis alors, le lendemain, hein, eh bien, si elle a envie de. Si elle a envie de dire que quelqu'un sera mort pour laisser gagner la vie aux inconnus, eh bien, quelqu'un sera mort, hein. Oh là, oh là, attention, on rigole bien avec ce gamin. J'ai même envie qu'il me raconte une histoire, tiens. La semaine passée. Il me dit, il va y avoir un mort samedi. Samedi. Mais non, on l'enterrera. On l'enterrera samedi. La suite. Je reviens hier ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un mort. Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est moi qui ai servi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il est toute sorcière. Oh, c'est une sorcière. Non mais. Mais qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut croire? J'adore sa voix. Samedi. J'ai dit samedi. On aura un bon samedi. Allez. Ah, il est fou. La semaine passée. Me dit. Il va y avoir un bon samedi. Ah oui. Il est incroyable. J'adore sa voix. Mais si on regarde le reportage dans son intégralité, même les commentaires étaient compliqués à comprendre. Ils exagèrent à peine. Et les mots magiques, maquerel, sorcellerie, resteront gravés dans leur esprit et leur recherche du fantastique passera obligatoirement par quelques chemins secrets, les souterrains où l'on aime avoir peur et qui passe en dessous de ce village d'Accourt, voué aux sorcières depuis les temps les plus reculés. Alors pour comprendre Paperboard, dès 20h, c'est la trappe. On réécrit, alors là il avait dit ça, alors ça passe sous le village, mais il y avait du vocabulaire, bref, je suis largué. Voici l'ISO, et juste après, on aura Claude qui sera de retour pour un nouveau métier, et ouais. La trappe, tous les mercredis dès 20h, avec Jadoul, sur KIF. Allez, retour sur la quête de Claude, ami de l'émission. On le retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. Il est en liaison avec nous. Il est quelque part en Belgique en train de tenter un nouveau métier. Et cette fois-ci, qu'allez-vous essayer comme métier, Claude, cette fois-ci? Écoute, je suis agent de parking. Oh, c'est bien. Et vous travaillez dans les parkings souterrains à Bruxelles? Oui, enfin, ici, je suis à celui de la Grand Place. Je dois gérer les idiots qui perdent leur ticket, quoi. Et ça arrive souvent dans la réalité? Bah là, il y a une bagnole qui avance au guichet. Tu peux être sûr que c'est ça. Et baissez votre carreau! Hey, baissez votre carreau, monsieur! C'est quoi ton problème, hein? C'est quoi ton souci, dis-je? J'ai perdu mon ticket de parking, je voudrais sortir. Déjà, c'est... Je voudrais payer mon stationnement avant de déranger Claudie à lever la barrière. Alors, tu es prié de sortir ton fric. Et pourquoi tu refermes ta fenêtre, hein? Pourquoi? Hey, file-moi tes clés, hein! Pourquoi tant d'agressivité, Claude? C'est pas grave, soyez gentil avec ce monsieur, il a juste perdu son ticket, ça arrive à tout le monde, il lui peut rien. Ah bon, il n'y peut rien. Et la bande de paiement qu'il n'a plus, il y peut quelque chose, hein? Les gens qui pissent dans le parking, il n'en peut rien non plus? Et ces vieilles qui cassent la barrière, ça aussi, c'est pas de sa faute, peut-être? Oui, c'est pas de sa faute, tout ça. Reposez votre batte de baseball, vous allez détruire la voiture. Ok, alors rien à la faute de personne ici. Avec ta Fiat de merde, là, tu t'es cruché, Vinci, ou quoi? C'est un parking indigo comme ton œil dans 3 minutes. Je vous en prie, Claude, ne le touchez pas. Mais même avec ma badge, je ne toucherai pas cet idiot. Mais je vois que monsieur n'est toujours pas prêt à coopérer. Hein. Ton rétro, il coopère. Et ta portière, il coopère. Et ton phare, il coopère. Arrêtez ce massacre, Claude, je vous en prie. Vous allez devoir payer tous les dégâts. Je m'entends même plus dans mon propre casque, tellement je gueule. Il est parti. Je comptais siphonner son réservoir, moi. Claude, encore une fois, vous n'avez pas trouvé votre voie. Soignez votre colère, vous m'avez fait peur, vous rendez compte? On se retrouve la semaine prochaine, Claude. Non, pars pas, Jadoul, t'as peur de moi? Pensez que je vais lui faire du mal? Tout ça, c'est une Claudie stratégisme, hein? Tu croyais quoi? J'ai prévu de me faire engager prochainement dans un garage. Donc je prévois la clientèle. Je ne t'apprends jamais quelqu'un avec une patte. Ou alors il faut essayer. Pour voir si ça fait mal. Ah ! Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Encore un titre qui nous a fait bouger, ça fait plaisir. Naps qui nous faisait le titre. Le carré, c'est le S. Ah non, c'est carré, le S. Oh, en plus, vous savez même pas lire. Ah bah, eh oh. C'est compliqué la vie, hein. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oui. Juste comment on fait pour avoir un S en carré? Maintenant, c'est une vraie question que je me pose. Vous savez quoi? Non. C'est pas encore à vous. Vous attendez 3 minutes, on fait un petit jeu et on revient? Ah, pardon. Allez, merci beaucoup. Ah, bah de rien. Bon, ça faisait longtemps, le jeu suédois. Ikea. Mais non, oh, à chaque fois, on leur dit pas Ikea, on doit dire. Voilà, mieux comme ça. Vous êtes prêts tous à jouer? Oui. Mais va. Je pensais que c'était un autre jeu. Oh, t'es déçu. Ah ouais, j'avais réfléchi au cas où. Oui, bah c'est pas grave, tes réponses tu les garderas la prochaine fois qu'on fera le jeu. D'accord. Voilà. Bon, t'es quand même contente de jouer au jeu suédois. Ouais, mais je vais perdre. On va pouvoir acheter de nouveaux meubles et tout. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Le principe est simple, catalogue. On donne le nom suédois, on vous donne 3 propositions, à vous de nous dire laquelle est la vraie description de l'objet. Ce qui peut être drôle. Tu sais que, vu qu'on fait ce jeu régulièrement, la dernière fois que je suis allée chez Ikea, j'ai regardé tout comme ça. Ah ouais, j'étudie. J'ai regardé les étiquettes comme ça pour être sûre de... Avec tes potes. Ouais, mais viens, on va chez Ikea. Mais pourquoi? Bah, vas-y, j'étudie. Je dois m'entraîner. Pourquoi t'as traîné? Pris en photo dans le magasin. Ouais, c'est ah, ça. Je scanne tout, là. Ah bah, depuis qu'ils font plus le catalogue papier, bah ouais. Ah oui, c'est vrai, ça. On est les anciens, nous, hein. Nous, ouais. On a connu le catalogue papier dans quelques années. Il était bien en plus. Ah, c'était un bottin le truc. Hein. Le bottin. Et il le distribuait dans toutes les boîtes. C'était un désastre écologique. Ça pétait les boîtes aux lettres. Si t'avais une boîte aux lettres pas assez solide, ça te le pétait. Ah, ben c'était le crash test de l'année. Oui, le ça. Moment où tu reçois le bottin téléphonique et le bulletin Ikea. Tu vois ? Là, c'était, voilà, c'était le moment de savoir si ta boîte aux lettres était costaud ou pas. Jouons tout de suite. Vous êtes tous prêts donc ? Oui. Oui. C'est parti. Muscotte. Elle commence bien. Biscotte. Muscotte. Ah. Avec un M. Est-ce que c'est A? Un panier. Lot de deux. Donc deux paniers. B. Un cache-pot. C. Un canapé deux places. Kix. Un canapé deux places. On vérifie ça tout de suite. C'était un cache-pot. Ouais, je l'ai chez moi. C'est vrai? Oui, c'est un biscotte. Bah oui. Elle a été Wicca, elle a vu. J'adore cette séquence qui sert à rien. Maëva? Oui. Sans le scur? Est-ce que c'est A, une combinaison d'armoire? B, une suspension? Autrement dit, une lampe. C, un surmatelas? Tu peux répéter? A. Non, mais non, le nom du truc. Ah, le nom de l'article? Oui. Solskur. Solskur. A. Une combinaison d'armoire? Oui. C'était une lampe. Oh. Une suspension, comme ils disent. On continue. Nordrana. Nordrana. L'impression toujours qu'ils gueulent, ces gens-là, alors qu'ils n'y peuvent rien, quoi. En plus, avec Laurine, la gagnante de l'Eurovision, on a une autre image en fin de la Suède. Ouais. Et là, on est quand même avec des longs ongles et tout. Est-ce que c'est un plaid, un nouveau cache-pot ou panier lot de deux? T'as parlé deux fois des paniers lot de deux, donc ça se trouve, il doit revenir un jour. Et je dirais que c'est ça. On verra où il panier lot de deux. Et effectivement. Ah. Et je crois que je l'ai aussi. Oui, oui. La meuf se meuble chez Ikea. Ah oui, c'est tout Ikea chez moi. Non, ça l'a dit chez moi aussi. Hein. Et chez toi aussi, d'ailleurs. Mime. Pas mime. Nime, mime. Nime. OnlyFans. Nime. Un site pour adultes suédois. B. Coussin de chaise. C. Boîte de rangement avec couvercle. C. Et c'est une bonne réponse. Je connais Nime. Oh là là, elle connaît Mime. Kix, dernière manche. Ouais. Je te présente Varmblixt. Enchanté. Varmblixt, est-ce que c'est A, un tapis à poil ras? B, un organisateur accessoire de bureau? Ou C, un chargeur USB 3 ports. Attends. Le tapis à poil de rat. Non, le tapis, je sais plus quoi. Le tapis à poil rat ? Ah, poil rat. Bonne réponse. Vrai ? Oh. Eh ben, je vais pouvoir aller jouer au loto. Que je serai comme l'Ukrainien. Ouais, peut-être pas. À gagner les 500 000. Tudal ! Comment ? Tudal. Tudal. Que dalle. 2D. Tudal ? Est-ce que c'est A, une chaise pivotante avec coussin intégré ? B, une horloge murale de 25 cm ? Ou C, un surmatelas ? La Il est 22h, on a autre chose à faire. Oui, la A, la A. La A, tu m'as dit la chaise pauvre. Avec le truc intégré. Voilà, avec le coussin intégré. Oh, oh. Mais non, c'était un surmatelas. Quel jeu passionnant. À chaque fois qu'on fait ce jeu, mais je enfin, mais pour une fois que je gagne. Quoi, t'as gagné ? Bah oui, j'ai gagné. Ah bah bravo. C'est la seule fois. Est-ce que c'est pas mal de faire une victoire juste avant le blindlet ? Oui. Ça a peut-être lui donné la confiance dont elle a besoin pour briller. Ça aurait été mieux justement de faire l'inverse, tu vois, pour mieux terminer l'émission. Une petite victoire, bah bon. C'est déjà pas mal, au moins ça te fait une victoire au compteur, non ? Comme on dit, honneur aux femmes. Ouais, c'est ça. Je laisse gagner pour après. Mais Eva, ça va ? J'ai perdu. Ah oui, pardon, c'était ton cri de la défaite, ça. Ah oui. Refais-nous, mais Eva, pas contente, cri de la défaite. Ouais, fais-nous des blancs en radio, on ne dira rien. Jadoul et son équipe dans la trappe. J'ai l'impression que vous avez le syndrome des doigts gras, hein, tous les deux. Que j'allais dire. C'est ça. On se retrouve juste après pour jouer. Ah, c'est à nous, oh pardon, excusez-nous, on n'était pas du tout prêts. Quelqu'un peut couper la clim s'il vous plaît, sinon ça va faire un bruit. Le petit bruit léger, discret, la clim. Vraiment, il y a tout qui se casse la gueule. Il y a le, ouais, y a le truc qui vient de se casser la gueule. C'est quoi, c'est le thermomètre ? Oui, c'est ça. Bah, c'est pas plus mal, on verra pas au moins qu'on souffre. The music machine. The music machine. Non ! Ah non, hein, ça va pas. Non, on va pas le faire comme ça. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez avec des grands yeux ? Parce que tu nous as dit de prendre un truc différent et c'est horrible dans nos casques parce qu'on s'entend en double, en fait. Ça arrête. On s'entend nous-mêmes. Ah pardon, alors remettez-vous en traitement. Merci. Voilà. Excusez-nous, on fait nos petits réglages. En fait, on a fait des modifs dans le studio, ce qui fait que pour entendre, c'est un peu technique ce qu'on va vous dire, mais voilà. Pour entendre que l'émission se termine et le jingle de revient mercredi prochain et dire au revoir au bon moment, okay. Il fallait que vous vous mettiez sur ce canal-là, dans la sélection de vos casques. Okay. Et là, je vous invite à tourner la molette en dessous de... Ça fait, oui. Voilà. Et vous vous remettez en traitement. Ouais, ouais. Parce que c'était horrible, on s'entendait en écho, en fait. Ouais, c'est ça. Le truc n'était pas fini de configurer. Si mon technicien audio m'entend, merci. Allez, là, on peut chanter comme il faut ? Oui. La chorale est prête ? C'est parti. Et même mettre le feu, vous allez chanter avec nous. Oh. Allez, bon bah, vous connaissez la chanson, hein. The music machine. The music machine. The music machine. The music machine. The music... Ah, pardon. Mais non, c'était que deux fois. Merci à tous. On va jouer avec les pires reprises de TikTok. Le principe est simple, être drôle. Non, je plaisante. Le principe est de retrouver le titre. Ça, c'est combiné. Artiste original des chansons que les gens ont massacrées. C'est ça. Tout vient de TikTok. Et qui sont drôles, au final. Ah, c'est... Oui, eux, ils sont drôles. Ouais. Mais ils le savent pas. Non. Et maître Le Feu, notre huissier de justice, est là pour compter les points. Vous allez bien, maître ? Ah bah oui, moi, je vais très bien. Ah ben c'est super. Vous avez passé une belle semaine. Ben oui. Ah oui, d'accord, une vie encore très rythmée. Ah très. Eh bien c'est chouette. Je vous demande juste de compter les points et de ne pas en faire plus que ça, hein. D'accord. Bon, je vais compter alors. Mais n'oubliez pas que j'ai... Non, rien. Ok. Vous êtes pas clair, hein. Oui, non, c'est pas grave. On va vous laisser là où vous êtes parce que vous me faites quand même flipper comme garçon. Non. On démarre avec la première cover. Maëva, t'es prête à gagner ? Kix, t'es prêt à perdre ? Bah oui. Oh, ça va. J'ai gagné avant, alors. Ça fait trop de cette émission, on peut avoir des a priori maintenant, hein. C'est bon. Je peux laisser ma couronne. Il a gagné une fois, je m'en souviens. Ah oui. C'était en décembre. En 1832. Le 1er avril. Non, en décembre. Ou en janvier, je ne sais plus. Calogero. Ah. Le titre ? Elle l'a pas. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. Ah, ta vasistas. Il voit que passe un avion. Il se dit que Le portrait. Le portrait. Couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait. Très portrait à partir d'un portrait. Bah, je te demande pas de prouver que tu connais les paroles, tu connais pas le titre et tu connais pas l'artiste. Et alors ouais, bah, et c'est quoi le titre exact du coup? C'est le portrait. Le portrait. Oh waouh, je suis trop forte. Ah ouais, quand même. Ah ça, oui, ça y va. Hein. Elle a des grandes voix. J'ai l'impression que Didier va aller loin dans la chanson quand même. Allez, on monte. Mais ça pourrait être pire. Bon, c'est déjà pire, non? Non, ça pourrait encore être pire. Il pourrait s'aventurer sur d'autres notes. Attention. Il n'y en a plus? Il n'y a plus rien? Il va plus rien dire? Ah, c'est parfait. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. On continue, c'est parti. Voici la deuxième manche. Oh là! Attendez, j'ai oublié de vous prévenir. Là, c'est toute la famille qui s'est mise à chanter sur TikTok. Ah, d'accord. Et ils sont très heureux. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, attendez, on y va. Oh là! Après l'apéro. Miley Cyrus, Flower. Maëva. Oui. Il n'y a plus de jeu. Pardon. Ça m'énerve. Pardon. On va quand même les écouter pour le plaisir des auditeurs. Oh là. Dans le refrain, s'il vous plaît. Pas tous synchro, hein. Dire tout ce que tu comprends pas. Je peux lancer avec moi-même. Il y a un téléphone qui sonne dans le fond. Tenir ma main au dehors. Je m'aime comme tu ne m'aimeras. Allez, c'est bon, je n'en peux plus, merci beaucoup. Tu n'aimeras jamais. Je m'aime comme tu ne m'aimeras. Oh là là. Nanana. C'est en canon en fait. Ouais, mais sans le vouloir, je pense. Là, le canon, c'est le boulet canon. Ils sont incroyables. Mettre le feu, les points, s'il vous plaît. Bon, bah, Maëva, elle a déjà pris 9 points. Hein. Super. On y va, troisième manche. Concentrez-vous. Coolio Gangsta Paradise. Ok, Maëva est en mode tueuse ce soir. Le pire, c'est que Kix me regarde l'air de dire « Mais vas-y, dis-le, je sais que tu le sais !» Vas-y, crash, crash, vas-y. Alors, pour la petite anecdote, Coolio est décédé cette saison. Et on avait prévu que ce soit un remix de Coolio Gangsta Paradise en générique. Ça ne devait pas être le générique tel qu'on le connaît maintenant. Ça devait être ce titre, remixé pour la trappe. Mais finalement, on est parti sur une autre idée. Mais c'était la première solution pour l'habillage de l'émission. C'était ce titre. Oh, dommage, ça aurait été bien. Ah, ça aurait pu être sympa. Ça, oui, on est parti sur autre chose. Celui-là, non, est sympa aussi. C'est de la merde. Ah, tu parlais de TikTok. Et ils auraient fait comment? J'adore. Mais avec la chorale. Elle est magnifique, la chorale, dans ce titre. Bon, j'en peux plus de ce mec. Hop là, coup de fusil. Oh, il se relèvera pas. Bon, mettre le feu, même pas besoin de savoir. On sait que Maëva a la tête et que bon, ouais, Kix a toujours zéro. Excuse-moi, mais 2 plus 1, bon, ça en fait 3. Hein. Oh putain, on est pas dans la merde. On y va, on se fait l'avant-dernière manche. Dans une lune, multiple d'écume. Poussé par la vente, je brûle et je m'enrume. Mylène Farmer. Libertine. Farmer. C'était comment déjà? Mylène Farmer. Non mais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une parodie quoi. Mais arrêtez de faire des privés jokes. Mais il est en train de chercher, ça va. Il cherchait quoi? Ben non, il y a plus, c'est les sons de la semaine dernière. Mais je croyais qu'on avait tout avec ça. On a tout, mais. Et il faut que j'aille le chercher ici. Voilà, il cherche dans la bande de données, on cherche le petit son qu'on a fait. Ouais, bah, ils l'ont rangé dans la semaine dernière, tu peux être sûr. Et donc voilà, maintenant pour que je le retrouve, il faudra environ 107 ans. En attendant, on écoute quand même la version TikTok. Je suis Bertine, je suis une copine. Je suis fragile, qu'on me tienne la main. Bah, il est bon, hein. Je suis Bertine. Il se donne à 100% là. Ah bah il peut pas être plus lancé là. C'est incroyable. Ah ça y est, je l'ai retrouvé. Oh là là, il m'a fallu du temps. Bon, je l'ai retrouvé. Voilà, c'était ça que tu disais. Attends, on est où là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le bouton? C'est là. Il est incroyable, il est incroyable. Sur mon corps si ton lent, je mets la peau. Oh, c'est juste. Bébé, tu dors, moi j'attends. Quand de mes lèvres t'enlèves un goût amer. Me rappelle que je suis au ciel. Cendre de lune, de lune. C'est bon là. Voilà. Oh, merci. Ah, c'était plus possible. Ça va, mettre le feu. On peut faire un récap des points, s'il vous plaît. Ah ouais, oui, oui. Le temps, il est très beau. Et puis moi, je crois que je vais aller vite faire une petite sieste. Un récap des points. Ah. Bah, ça fait 4 pour Maëva. Et pour Kix? Bah, du coup, si Maëva a la 4, bah, Kix, il a rien. Et voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. On se fait peut-être le point d'honneur pour Kix. Ah ouais. Je l'espère pour toi, Kix, parce que ouais, il faut que tu reprennes du poil de la bête. Ouais, bah là, je doute fort, hein. Allez, on se concentre. Give me some time to think. I'm in the bad Coldplay. Non. Non, mais elle va là, pas là. Non, pas Muse. Oh, tu vas tous les citer sauf le bon. I will live a thousand million lives. My patience is waiting. Is this entertaining? Our patience is waiting. Is this entertaining? Oh la vache. Allez, on n'a plus le temps. Je l'ai pas. Imagine Dragons. Ah. Je l'avais parce que j'avais Radioactive en tête, mais je ne tombais pas dessus. Radioactive, pas c'est pas celui-ci. Bones. C'est le même chanteur, le même groupe. Et il chante très juste. Oh là là, c'est fou, c'est juste magique, hein, magnifique. Oh là là, on va pas plus en écouter, on peut pas faire plus. Merci de nous avoir écouté encore cette semaine, c'était fabuleux. Félicitations Maëva pour ta victoire. Merci. Ah, ça fait plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Mmh. En très grande forme. Oui, c'est bien, vous. Non, vous revenez encore la semaine prochaine. Ah. On vous tolère. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve en podcast d'ici là. Bisous, bisous. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.